Deuxième partie, chapitre 1er. L'orage avait passé sur le toit des Guillot. La tradition avait accompli son œuvre de destruction. Marqué dès sa naissance par la fatalité, l'enfant taciturne avait quitté l'humble maisonnette où sa place si longtemps avait été fixée. Il reposait maintenant sous un tertre au cimetière, où une grande pierre grise, gravée du seul nom de Yann, rappelait aux passants qu'il avait existé. Pour sa chère vieille mère que le chagrin minait, pour son père malheureux que le suicide d'un des siens eût ébranlé mortellement Irboan, avait eu ce qu'il croyait savoir de la mort de son frère. Il avait gardé farouchement en lui les paroles d'Anaïque, de même qu'il n'avait jamais énoncé les suppositions pénibles qui hantaient ses nuits sans sommeil. Grâce à ce silence généreux, le cœur maternel cherchait sans tourment dans la prière le réconfort nécessaire pour supporter chrétiennement l'absence du cher disparu, pendant que le père, le cœur broyé, mais la tête droite sous l'implacable destin, acceptait sans gêne les paroles consolatrices que les gens prononçaient. Mais si Irboan gardait un scrupuleux silence, s'il avait permis que les prières de l'église accompagnassent jusqu'au cimetière le cher tripassé, son âme n'oubliait pas. Il avait dit à Anaïque, « Priez Dieu, car si ce que nous redoutons était accompli, vous m'auriez retiré jusqu'au droit de penser à vous. » Et ferme dans ses principes, le malheur étant accompli, il n'avait plus fréquenté la jeune fille. Depuis le drame, son attitude restait la même. Il ne fuyait ni ne recherchait l'orpheline. C'était pire encore, il semblait l'ignorer. Mais le jour de l'enterrement, quand sous la monte noire et le capuchon rabattu sur la coiffe en signe de deuil, elle s'était arrêtée devant lui à la porte du cimetière, il n'avait pas paru la reconnaître. Les yeux remplis de larmes, elle lui avait dit pourtant si humblement. « Oh, Irboan, j'ai tant de chagrin. N'y a-t-il rien que je puisse faire pour consoler les vôtres dans cet atroce moment ?»« Mon frère est mort, » avait-il laconiquement répondu, le regard lointain, sans vouloir remarquer la tragique pâleur du petit visage levé vers lui. Et sa main hostile n'était pas allée serrer celle de sa petite compagne d'enfance, qui s'éloignait, la poitrine gonflée de sanglots, plus seule maintenant qu'elle ne l'avait jamais été dans toute son existence décelée. Comprenant ce qui se passait dans l'âme de son ami, l'orpheline n'avait pas cherché à le revoir. Au contraire, elle le fuyait aussi, évitant de se trouver sur son passage, n'allant jamais à la grève aux heures où son bateau y arrivait ou en sortait. Pourtant, un sentiment complexe la poussait vers la demeure des Guillot. Il lui semblait que sa place était aux côtés de la mère douloureuse. C'était en elle comme un besoin de rachat ou d'expiation. Cependant qu'au fond de son âme tourmentée, elle ne savait au juste de quel crime elle était coupable. Les paroles de reproche que le jour tragique elle avait prononcées et jetées au visage de Yann, elle sentait qu'elle les aurait redites encore puisqu'elles étaient l'expression de sa pensée, comme le cri de sa conscience révoltée devant la lâcheté d'un ami. Néanmoins, c'était pour elle un soulagement, quand le père et le fils étaient absents, de se glisser furtivement dans la maison en deuil et de venir s'agenouiller au pied de la mère inconsolable pour prier et pleurer avec elle. Mieux encore, elle s'efforçait d'aider Catherine dans son ouvrage. Elle faisait le ménage, cassait du bois, allait puiser l'eau, préparait le repas des hommes, sentant confusément la nécessité de parachever les menus travaux que la mère, trop absorbée par son chagrin, ne faisait machinalement qu'à moitié. Un autre devoir semblait s'imposer encore à la jeune fille, la tombe fraîche, nichée dans le petit cimetière, derrière l'église. À travers les allées herbeuses, on la voyait lentement s'avancer, les bras chargés de modestes fleurs, bien souvent cueillies dans les champs. Sur la dalle funéraire, elle laissait tomber sa moisson parfumée, puis elle demeurait sans bouger. Les gens admiraient son culte du mort. Ils songeaient que peut-être un tendre sentiment liait la survivante au disparu, et ils la plaignaient, plein de bienveillance. Pauvre gosse, elle n'a jamais eu de chance. Tous ceux qu'elle aimait sont partis. Sa destinée est d'être seule. Il mettait presque de la fatalité autour de la jeune tête blonde. Cependant, s'ils avaient mieux observé la jeune fille, ils auraient remarqué que sur la tombe grise, elle ne s'était jamais agenouillée. Immobile, lèvres closes, yeux vagues, front têtu, elle restait de longs moments à rêver. Et s'il leur avait été donné de pouvoir lire derrière le front de la petite Bretonne, ils eussent déchiffré un mot qui ne s'effaçait pas. Lâche, lâche, trois fois lâche, avait dit un jour ses lèvres blêmes, et ce mot que sa bouche farouchement taisait, Ce mot que pour rien au monde elle ne voulut prononcer, ce mot demeurait en elle, net, précis, comme gravé dans de l'airain. Et ses yeux qui demeuraient secs et qui, à travers l'espace, paraissaient chercher celui qui n'était plus là, ses yeux semblaient toujours poser une même question. Pourquoi ? Comment as-tu pu faire cela ? Toi, un croyant capable d'oublier ta foi, toi, un Breton dont la race n'a jamais fléchi devant le devoir, toi, un fils, tu as pu imposer un pareil calvaire à ta mère, toi, un frère, tu as immolé le frère qui se sacrifiait pour toi, toi, un homme, tu as prétendu asservir, malgré elle, le cœur d'une vierge, pourquoi ? Ah, pourquoi ? Il n'y avait qu'un mot pour traduire les réponses à toutes ces questions, lâche. Et obsédée par l'idée fixe, liée ou disparue par ce suicide dont elle était la cause, elle s'épouvantait de ce mot qui persistait en elle, ne comprenant ni sa révolte, ni sa rancune, ni son remords, puisqu'elle était chrétienne et que jamais elle n'avait failli aux lois du Seigneur.